quatrième et dernier temps de notre série consacrée à l'Antiquité. Ce matin, nous saisissons l'occasion des seconds états généraux de l'Antiquité qui se tiennent demain et samedi à Paris pour réfléchir au présent de ce passé antique. Les deuxièmes états généraux de l'Antiquité se tiennent donc demain à Paris et en se demandant pourquoi transmettre l'Antiquité à l'heure de la mondialisation. À l'occasion de ces états généraux, d'ailleurs, les Belles Lettres publient un ouvrage collectif, L'avenir se prépare de loin, coordonné par Jacques Bouineau, qui sera un de nos invités, dans lequel une trentaine de chercheuses et de chercheurs réfléchissent au rôle des cultures anciennes dans notre contemporain. On y discerne d'ailleurs deux approches différentes de l'utilité de ce passé. Pour les uns, ce passé est constitutif de notre identité et de nos racines. Pour les autres, c'est en comprenant comment et pourquoi l'Europe a fabriqué cette filiation et en redonnant sa part d'étrangeté à ces Grecs et à ces Romains qui sont supposés nous être si familiers que nous pouvons mieux regarder notre présent. Nous en discuterons avec nos trois invités, avec Maria Teresa Schettino, elle est professeure d'histoire romaine à l'Université de Haute-Alsace et membre de l'UMR Archimède, avec Jean-Baptiste Imbert, il est membre de l'école biblique de Jérusalem et spécialiste du site de Qumran, et avec Jacques Bouineau. J'ai donc dit son nom, il est professeur d'histoire du droit à La Rochelle, président de Méditerranée, mais également de Antiquité Avenir, cette association qui publie ce livre aux belles lettres qui s'intitule « L'avenir se prépare de loin ». Le relooking mythologique, si tu connais pas, c'est une émission où on présente une figure issue de la mythologie gréco-romaine. On fait le point sur qui c'était dans l'Antiquité et on regarde comment elle a été réappropriée au fil du temps. Donc Arès pour les Grecs, Mars pour les Romains, c'est le dieu de la guerre destructrice, déchaînée, irréfléchie et sanguinaire. Vous vous souvenez qu'on avait déjà évoqué la thématique de la guerre dans le relooking d'Athéna? Je vous remets un lien en description et une petite fiche pour cliquer. C'était pour dire qu'elle, elle était du côté de la guerre tactique, réfléchie et surtout du côté des hommes, donc porteuse de victoire. Ben Arès, c'est l'inverse, hein, c'est celui qui crame tout sans réfléchir. Tout cramer sans réfléchir. Du coup, c'est un dieu pas trop aimé des Grecs, mais on va y revenir. Mais tout de suite, sa petite histoire. Stéphane Bern, bonjour. Arès fait partie des 12 grands dieux olympiens, qui sont donc les principaux dieux... Voilà, un extrait du relooking mythologique de Manon Bril. Je ne sais si vous connaissez Manon Bril. Bonjour à tous les trois. Bonjour Jean-Baptiste Imbert. Bonjour à vous Jacques Bouineau. Bonjour. Bonjour Victor Massé-Lépiné. C'est vous qui allez co-animer cette émission avec nous, comme toutes les émissions de la semaine. Et bonjour à vous Maria Teresa Schettino. Vous la connaissez Manon Bril ou pas? Oui. Voilà, Manon Bril est une étudiante qui finit sa thèse à Toulouse en histoire antique et qui s'est entichée il y a quelques années de faire des vidéos sur YouTube. Elle a sa propre chaîne YouTube qui s'appelle C'est une autre histoire, dans laquelle elle tente, pour les plus jeunes d'entre nous, de faire comprendre l'Antiquité et donc, par exemple, de dire que Arès, c'est le dieu qui crame tout. C'est une autre manière de parler d'Arès que celle que nous avons apprise auprès de nos bons maîtres à l'université il y a une trentaine ou une quarantaine d'années, mais ça marche. Elle a souvent 100 000 à 200 000 personnes qui suivent ses démonstrations en vidéo. Est-ce que c'est une bonne manière, justement, Maria Teresa Schettino, de faire parler de l'Antiquité dans le monde d'aujourd'hui par l'intermédiaire d'une chaîne YouTube, selon vous? Ah oui, sans doute. Et à l'occasion des états généraux, en fait, il y a une nouveauté par rapport à l'édition 2015, dans la mesure où nous avons organisé aussi des petits films qui précèdent les tables rondes, et ce sont des films exactement qui mettent en valeur les rapports entre les passés et les présents. Je cite à cet égard la vidéo proposée par Antique Pop, qui est exactement dans la même mouvance que celle de Manon Bril. C'est une autre histoire. Ce sont des vidéos qu'on peut trouver sur Internet et qui sont généralement faites par des étudiants en histoire ancienne qui tente de rendre le présent plus le passé plus présent encore. Jacques Bouineau, c'est le propos de ces deuxièmes états généraux de l'Antiquité? C'est notamment le propos de ces deuxièmes états généraux. C'est pourquoi est-ce que au début du 21e siècle on s'intéresse encore à l'Antiquité? C'est très loin et c'est quelque chose qui semble complètement suranné, et les derniers emplois de l'Antiquité ont été désastreux au 20e siècle, puisque ça a été la récupération en fait par l'extrême droite, et donc avec des conséquences dramatiques. Le nazisme et le fascisme, par exemple. Ah ben, évidemment, bien sûr qu'ils se sont arc-boutés là-dessus. Et donc, on a un effort absolument colossal à faire. D'abord, il faut faire un effort contre soi-même, puisque toute démarche historique est une démarche de reconstruction. Bien sûr, il y a une projection de soi-même dans le temps, une projection de soi-même face à soi-même. Donc, il faut d'abord se situer par rapport à ça. On y trouve ce qu'on y cherche, en règle générale, et dans l'Antiquité, a fortiori, parce que on a évidemment des sources qui sont bien moins importantes que sur la période contemporaine, c'est une évidence, et on fait parler les trous, et dans les trous, on met ce qu'on veut. Jean-Baptiste Imbert, bonjour, vous participerez à ces états généraux de l'Antiquité, dans une table ronde de samedi matin, animée par Maurice Sartre, autour de partager, comprendre, aimer le patrimoine antique autour de la Méditerranée. Il y a des endroits où il y a plus d'antiquité qu'ailleurs, ou en tout cas où l'antiquité est encore plus débattue que dans les universités françaises. Là où vous êtes, par exemple, puisque vous êtes archéologue, vous avez beaucoup travaillé sur le site de Qumran et que vous êtes directeur du laboratoire d'archéologie de l'école biblique de Jérusalem. Chez vous, dans ce coin-là, ça discute beaucoup. Oui, ça bouge, mais je me situe d'une autre manière, parce que vous parlez des universités françaises que je connais peu. Pour moi, je me sens un peu oriental. Alors, je regarde l'Antiquité à partir de l'Orient et non pas à partir de l'Occident. Et donc, à partir d'un Orient qui est encore un peu plus éloigné que l'Orient grec et l'Orient latin dont on parle généralement. L'Orient est tout à fait grec. Oui, bien sûr, il est grec. Mais on ne l'a souvent pas intégré dans notre héritage grec et romain, c'est-à-dire alors que les Romains ont été présents évidemment à Jérusalem et qu'ils ont un rôle considérable dans cette histoire. Quand vous regardez d'un peu plus près, les grands vestiges sont en Orient, ils ne sont pas en Occident. Et donc c'est à partir de ces grands vestiges qu'on peut réfléchir justement à un héritage, à un patrimoine. Oui, non, pour moi, la question c'est même une espèce de déchirement, parce que l'Antiquité, c'est la ceinture de la Méditerranée, c'est tout autour. Et en gros, il faudrait éviter de choisir. La gloire, une des gloires de l'Antiquité est en Orient, et peut-être même la plus grande gloire reste en Orient. Or, c'est notre patrimoine, puisque nous sommes quand même occidentaux, même si je me sens oriental. C'est notre patrimoine, c'est le chaudron dans lequel on a baigné, et pour l'Orient, ce n'est pas. Oui, pour l'Orient, ça. Toute cette gloire de l'Antiquité, c'est vous en Occident, c'est pas nous en Orient. Oui, c'est d'ailleurs ce que vous... Donc il y a là la balance penche du mauvais côté. Oui, parce que quand on est archéologue et qu'on fait des fouilles, comme vous en faites et vous en avez fait depuis très longtemps, Jean-Baptiste Imbert, dans cette région du monde, eh bien effectivement, vous découvrez des vestiges qui, pour les gens qui vivent dans ces pays-là, ne sont pas leurs vestiges, où ils ont du mal à les réintégrer dans leur propre histoire. Oui, ils disent toujours, vous venez chercher vos racines, vous venez chercher ce que vous avez laissé chez nous, dans une espèce de formule colonialiste. Et la preuve, c'est que vous venez et que vous payez cher pour venir travailler là. Donc c'est l'intérêt pour vous et pas pour nous. Oui, il faudrait... on a parfois du mal à expliquer à certaines des personnes qui sont auprès de vous, par exemple, Jean-Baptiste Imbert, que les églises sur lesquelles vous pouvez travailler, du 3e ou du 4e siècle, c'est aussi leur histoire, y compris l'histoire de ceux et de celles qui les ont précédés sur ces territoires. Oui, non, on a énormément de mal à les convaincre que tout ce patrimoine ancien, qu'il soit hellénistique, romain, romain tardif, donc byzantin, chrétien, c'est eux qui l'ont construit, qui l'ont fait, qui l'ont vécu. Ils sentent que il y a une coupure quelque part et que ce n'est pas eux. Victor Massé d'Épinay. Oui, mais comme on commence par une sorte de pas de côté, j'ai envie d'interroger Jacques Bouineau et Maria-Thérèse Schettino sur ce que vient de dire Jean-Baptiste Imbert. Dans ces états généraux de l'Antiquité, il est en effet question d'identité, de rapport à l'Antiquité. Elle se pose en des termes particuliers pour les Palestiniens ou les Israéliens, les pays dans lesquels travaille Jean-Baptiste Imbert. En France, en Occident, je dirais, il y a quelquefois dans le livre que vous avez publié, que vous allez publier aux Belles Lettres et que vous avez coordonné, Jacques Bouineau, dans certaines interventions, un ton un peu alarmiste sur une coupure dans la transmission entre l'Antiquité et aujourd'hui, et quelque chose qui tient aussi à l'identité, Comment est-ce que vous entendez ce que dit Jean-Baptiste Imbert à l'instant? Je suis absolument d'accord avec ce que je viens d'entendre. Je vous dirais deux choses. La première, c'est que de quelle antiquité parle-t-on? Ah oui. Qu'est-ce que c'est? Parce que jusqu'à présent, vous parlez de Rome et de la Grèce. Bon, Rome et la Grèce, c'est évidemment le moment fort de l'Antiquité, parce que c'est un moment de synthèse. C'est la rationalité grecque, et c'est le droit romain, la Respublica, et tout ce qui s'ensuit par la suite. Bon, mais c'est une chose, cette Antiquité dite classique, en fait, c'est un résultat. C'est le résultat de toutes les antiquités qui ont précédé. Il y a une antiquité de l'antiquité. Ben oui. Et l'antiquité de l'antiquité, c'est le Proche-Orient, c'est l'Égypte, ce sont toutes ces civilisations, ce sont les Hittites, c'est tout ça, tous ces peuples-là qui ont contribué à forger une conscience de soi-même qui passera chez les Grecs. Donc les Grecs héritent d'abord. Ça, c'est le premier temps. Et le deuxième regard, et je m'arrête tout de suite, le deuxième regard, c'est que nous travaillons, alors, à Méditerranée depuis très longtemps et Antiquité à venir, nous y venons puisque nous sommes tout jeunes, nous travaillons sur le rapport de la rive sud à son héritage antique, parce que la Renaissance n'aurait pas eu lieu s'il n'y avait pas eu Averroès. Oui, Antiquité à venir, c'est un regroupement, un réseau qui regroupe 38 associations, donc qui organisent ces états généraux de l'Antiquité, et qui donc ont coordonné aussi cet ouvrage aux éditions des Belles Lettres. Maria Teresa Schettino, en ouvrant cette émission, je disais que en lisant cet ouvrage, une trentaine de contributions d'historiens, d'historiennes, on voyait deux visions de cette Antiquité, de son utilité en tous les cas aujourd'hui, de pourquoi il faut continuer à s'y intéresser. Une vision très dans la filiation, une filiation directe ou quasi directe, comme si on branchait une prise de courant et qu'on se branchait sur Platon ou sur Cicéron. Et une autre vision qui dit au contraire, cette antiquité, c'est par son étrangeté qu'elle nous intéresse. C'est par ce... Et là, on peut voir effectivement les leçons de Jean-Pierre Vernant ou les leçons de Pierre Vidal-Naquet. C'est parce qu'elle est différente de nous qu'elle nous permet de mieux réfléchir, Maria Teresa Schettino. Oui, et tout d'abord, je voudrais préciser qu'effectivement, Antiquité à venir, ces états généraux sont organisés pour valoriser les sciences de l'Antiquité. Donc, pas seulement le monde grec, pas seulement le monde romain. Bien sûr. Mais reconnaissons que dans les 30 contributeurs de ce livre qui va avec, hein, d'une certaine façon, la plupart d'entre eux parlent de la Grèce et de Rome. Donc, si vous voulez, ça retourne en rond. Mais il y a aussi des assyriologues. Oui, il y a bien sûr. Exactement. Et pour revenir à votre question, j'ai entendu le terme identité. Je serai très prudente sur ce sujet et dans la mesure où, si on envisage l'histoire ancienne comme porteuse d'identité, cela peut être effectivement les premiers pas pour une manipulation, ce qui est arrivé dans le passé. Donc je dirais qu'il faut exactement garder la distance. Et j'ai dit toujours que nous avons plus de recul par rapport à notre objet d'étude et cela nous permet de voir plus loin. Mais c'est exactement ça, il faut prendre la distance, il faut marquer la différence et il faut nous interroger sur les rôles qu'aujourd'hui, dans un monde différent, l'Antiquité peut avoir. Oui, c'est ce que dit par exemple Pierre Judet de Lacombe dans ce livre quand il dit que Homère n'est pas de ce monde, il faut le refaire, le représenter, l'illustrer, l'imiter ne se révélerait à rien, cela s'est fait tant de fois pour rien. Ici, les accès sont simples et efficaces, au théâtre par exemple, rien de grec, d'antique, d'héroïque, rien de convenu, tout doit se produire ici et maintenant, dans le lieu clos où on est entré, Victor Massé-Dépinay. Alors, on est au cœur du sujet. Comment est-ce qu'on convoque l'Antiquité? À quoi est-ce qu'elle nous sert? Est-ce qu'il faut chercher des correspondances ou, au contraire, se centrer sur l'altérité? Vous avez évoqué, Jacques Bouineau, l'Antiquité de l'Antiquité. Alors, justement, puisqu'on se pose la question de l'utilité ou de la place de l'Antiquité aujourd'hui dans notre monde, est-ce que c'est pertinent de se poser la question de savoir comment les antiques eux-mêmes se posaient cette question? On se demande toujours on se dit toujours que les antiques, les anciens, se sont posés les mêmes questions que nous. Cette question, est-ce qu'elle s'est posée à l'heure de la mondialisation de Rome, à l'heure de la mondialisation, est-ce qu'on s'est déjà dit que faire de notre passé? Oui, ça, le passé hante évidemment les anciens. Au moment de la du millénaire de Rome, vous vous souvenez que c'est un arabe qui est empereur, et ça a posé des questions absolument considérables. Est-ce qu'on va faire célébrer le millénaire de Rome par un arabe? Bon, donc bien sûr, ils ont une conscience du temps, ils ont une conscience du passé, et il y a des consciences du passé. Si vous prenez la conscience égyptienne ancienne, par exemple, vous savez que le temps meurt à chaque fois que Pharaon décède. Et donc, on recommence un nouveau calendrier. Mais néanmoins, il y a une mémoire qui perdure. Les pyramides de Djoser, elles sont là depuis quasiment le début de l'histoire égyptienne. Elles ont accompagné cette espèce de permanence. Donc, on joue à deux niveaux sur un renouvellement permanent et une permanence étale, sans renouvellement. Et c'est en fait, je crois, la tentation de chacun. Quand on va chercher dans l'Antiquité un modèle, d'abord on le fait, c'est un petit peu la technique chrétienne de l'exemplum, hein, on va chercher un grand modèle, alors voilà, c'est un tel a fait ça, Tarquin a été le fossoyeur a été le fossoyeur de la royauté puisqu'on l'a chassé, parce qu'il a été abject, bon, voilà. Mais il ne faut pas réduire ces personnages à un geste. Je crois que c'est ça qu'on a fait pendant très longtemps et c'est ça qui conduit aux dérives. Oui, parce que vous dites dans un de vos articles, Jean-Baptiste Imbert, que quand on s'intéresse à l'archéologie, quand on s'intéresse au passé, quand on s'intéresse au patrimoine, et bien souvent, ceux qui sont en charge de ces questions prennent ce qui flatte et les vestiges inutiles restent enfouis. C'est-à-dire qu'on va chercher dans le passé ce qu'on a envie d'y trouver d'une certaine façon. Et dans ce Proche-Orient que vous connaissez si bien, que ce soit à Gaza, à Jérusalem, à Amman ou en Jordanie ou à Qumran, eh bien effectivement, souvent, ce passé, on le convoque en fonction du besoin que l'on en a au présent. Oui, vous avez prononcé le mot tout à l'heure, identité. Effectivement, l'identité est la source de toutes les dérives, c'est vrai. Et lorsqu'un archéologue fait des choix sur le site qu'il travaille, est-ce qu'il ne cherche pas finalement derrière une espèce de ligne de recherche qu'il croit scientifique, est-ce qu'il ne choisit pas finalement ce qui le sert? C'est la subjectivité de l'historien. J'ai écrit probablement ce qui le flatte, ou qui flatte notre culture. Mais je dirais effectivement, si l'identité est le piège pour tous les dérapages, je pense qu'il faut choisir un autre mot, c'est-à-dire qui est propriétaire? Et à mon avis, c'est plus fort, parce que s'il y a des choses qu'on peut toucher, qu'on peut visiter, des choses réelles, alors il y a un propriétaire quelque part. Est-ce l'Occident, puisque c'est romain ou hellénistique ou grec, ou est-ce l'Orient? Alors nous ensemble qui sommes propriétaires. On pourrait tous être, il faudrait un syndic de copropriété, c'est ce que vous voulez dire en l'occurrence. Oui, c'est nous sommes ensemble les propriétaires, c'est pourquoi il faut partager la tâche. Oui, et vous dites dans un autre article, Jean-Baptiste Imbert, à propos justement de ce patrimoine très contesté au Proche-Orient, que le patrimoine est un bagage que l'on trouve à sa porte et on peut le laisser ou le prendre, ou l'oublier sur un quai de gare, et le reconstituer. L'essentiel est de savoir où l'on va. Effectivement, c'est cela, c'est ce choix possible de prendre, de laisser, et on peut aussi, dans une même vie, et la vôtre est déjà assez longue, Jean-Baptiste Imbert, pour pouvoir avoir peut-être vu plusieurs choses, ou avoir laissé plusieurs bagages, en avoir repris d'autres, dans ce passé sur lequel vous travaillez. La phrase maintenant... vous me la rappelez, effectivement, c'est dans le contexte très particulier de Gaza. Et travailler à Gaza est enthousiasmant, mais c'est une souffrance, parce que l'échec est partout. Je peux dire que j'ai échoué partout à Gaza. Dans les fouilles que vous avez menées et dans la façon non, de raconter l'histoire. Non, les fouilles étaient glorieuses. Oui, mais la façon de raconter l'histoire. Mais oui, la France m'a complètement bloqué en m'interdisant de retourner à Gaza. Les Palestiniens sont totalement insensibles à leur patrimoine culturel et historique. Et il faut reconnaître que dans la situation qu'ils vivent, qui est dramatique, vraiment l'archéologie est le dernier de leurs soucis. Donc, j'ai été appelé à Gaza pour faire une expertise sur un site qu'ils détruisaient au bulldozer allègrement. Et j'étais venu encore les pouces derrière les bretelles en disant, mais attendez, arrêtez, Ils m'ont dit, vous êtes bien gentil, mais nous on construit des logements pour 40 000 personnes qui sont encore sans logis. Après la guerre de 2014. Alors j'ai dit, j'ai fait mon rapport aux antiquités, au Quai d'Orsay, en disant, qu'est-ce que j'ai fait à Gaza? J'ai fait des excuses. Ah oui, c'est ça, c'est une vraie question. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'effectivement, selon l'endroit où l'on se situe, selon l'endroit d'où l'on parle, Jacques Bouineau, on ne raconte pas la même histoire et que ce passé antique n'a pas la même force, pourrait-on dire, symbolique. Ça n'est pas la même chose que de dire on nous supprime le grec et le latin dans les écoles de France et de se retrouver dans la situation que vient tout juste de décrire Jean-Baptiste Imbert. Oui, je crois que les spécificités, les caractéristiques ou ce que l'on considère comme tel se sont exacerbées dans les derniers temps et sans doute à cause des drames du XXe siècle qui ont fait un mal de chien à l'humanité. Et je crois que chacun se définit aujourd'hui par une différence. C'est-à-dire, on va faire un club parce qu'on aime le yaourt à la fraise. Bon, c'est intéressant, mais est-ce que ça suppose de faire un club? Non, je crois que ça n'a aucun intérêt. Et tout est comme ça. Vous n'avez pas yaourt à la fraise, parce que quand on aime le yaourt à la fraise, on trouve ça très bien d'avoir un club excellent. Pour le yaourt à la fraise. Voilà, mais on peut le manger tout seul aussi. Et ce qui se passe, c'est que chaque caractéristique, si vous voulez, va être mise en avant. Alors, j'ai telle couleur de peau, je suis un homme ou je suis une femme, je suis de telle religion, j'ai tel âge, etc. Mais que l'on cesse avec ça. Je crois qu'il faudrait cesser d'identifier les gens par une caractéristique. Bien sûr, on a une caractéristique, mais est-ce qu'on a une seule caractéristique qui soit susceptible de définir l'ensemble de l'être? Et je crois que le pari du XXIe siècle, et peut-être le défi auquel nous sommes confrontés, c'est de reconstruire l'être humain. Le XXe siècle l'a tué, je crois que nous, ce qu'on a à faire, c'est le reconstruire. Oui, ce commun dont parlent beaucoup des auteurs de ce livre aux éditions des Belles Lettres. En même temps, lorsque l'on veut défendre une identité, c'est aussi pour pouvoir la faire reconnaître, peut-être dans un espace public qui ne la reconnaît pas. Maria Teresa Schettino, qu'est-ce que vous pensez justement de ces usages du passé dont on parle depuis le début de cette émission? Je voudrais revenir sur la question que vous avez posée à Monsieur Imbert. Oui, et à mon avis, les questions découlent toujours de l'actualité, parce que nous appartenons à notre époque. Les réponses concernent les mondes anciens. Et dans la mesure où les études sont menées d'après une méthode scientifique. Donc c'est juste. Et j'aimerais bien rappeler, Byzance était héritier de Rome. Donc là, l'Empire, c'était en Occident et en Orient. Et en Orient, cela a duré beaucoup plus de temps que. Oui. Et pour revenir, je pense exactement qu'il faut éviter de présenter l'Antiquité. J'aime parler d'héritage plutôt que d'identité et qu'il faut éviter d'actualiser l'Antiquité, de présenter l'Antiquité comme un modèle. L'Antiquité effectivement est utile parce que elle a longuement réfléchi sur les rapports de domination, sur les pouvoirs et des catégories. Et ont été, qui concernent la politique, ont été élaborés à l'époque antique, mais l'Antiquité ne peut pas être reproduite aujourd'hui. C'est ce que dit dans ce livre, donc publié aux éditions des Belles Lettres, qui s'intitule « L'avenir se prépare de loin », ce que dit Michael Edwards dans son article qui s'appelle « L'Antiquité vécue ». Il est membre de l'Académie française, professeur honoraire au Collège de France. Il est poète aussi. Et il dit « Il m'a toujours semblé pareillement indispensable de sentir l'Antiquité à la fois comme une époque et un monde lointain, afin que leur différence et l'étonnement créé par cette différence m'emmènent dans un ailleurs stimulant et me sortent heureusement de moi-même et comme un ici et maintenant » où l'ancien devient actuel. Effectivement, c'est cette distance, cette étrangeté, mais ça va créer beaucoup de discussions dans vos deux journées de débat, parce que on voit bien que dans cet ensemble de chercheurs rassemblés autour de l'Antiquité à venir, de ces états généraux de l'Antiquité, il y a des postures ou des affirmations qui sont très, très, très éloignées, Jacques Bouineau. Oui, je crois qu'on va aller chercher une caution morale, sans évidemment rejouer l'Antiquité, comme disait Maria Teresa tout à l'heure. La caution morale, c'est Héraclite. Qu'est-ce qu'il dit au sujet de l'être? Il dit l'être, c'est le même et l'autre. Et je crois que c'est ça. Et Antiquité à venir, c'est exactement ce qu'on a essayé de faire. Nul n'est propriétaire de l'Antiquité. Les conservateurs, ni les novateurs, comme on dit dans les facultés de droit, ni les occidentaux, ni les orientaux. Nous avons tous reçu quelque chose et toute notre histoire est imbriquée. Donc, nous allons avoir évidemment des regards extrêmement différents. Et dans Antiquité à venir, nous avons des regards extrêmement différents. Et dans ce livre que vous citez, qui est une vitrine absolument exemplaire, on a cette espèce de spectre. Ah oui, c'est assez kaléidoscopique. En tous les cas, Victor Massé-Lépiné. Mais alors, on parle de l'Antiquité comme d'un héritage, comme de quelque chose qu'on a reçu. Cette notion de legs pourrait laisser croire que l'Antiquité est quelque chose de mort, pour un patrimoine dans lequel on va peut-être piocher, mais qui n'est. Comment est-ce que se pose la question de la vie ou de la vitalité de ce patrimoine? Dans le livre que vous allez publier aux Belles-Lettres, il y a cette phrase de Frédéric Boyer qui m'a interpellé et que j'aimerais peut-être sur laquelle j'aimerais vous interroger, dans laquelle il dit les textes anciens ont quelque chose à nous apprendre, mais ils ont aussi quelque chose à apprendre de nous. Notre tâche est de leur parler de nous. Comment est-ce que vous entendez cette phrase? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, les uns et les autres? C'est à propos de la traduction qu'il est en train de faire des Géorgiques de Virgile, Maria-Thérèse Astrid. Oui, mais c'est exactement ce que je venais de dire, c'est-à-dire que nous nous approchons des textes anciens avec l'expérience du présent. Donc c'est un échange. Et dans la mesure où les interrogations sont toujours nouvelles, et les textes anciens peuvent révéler des choses inconnues, des aspects inconnus. Et c'est pour ça que les études sont toujours vivantes. Sinon, vous savez, l'Antiquité est étudiée depuis toujours. Donc, Jean-Baptiste Imbert, vous avez suivi évidemment ces polémiques qui se sont développées autour du site de Palmyre ou d'autres sites détruits pendant la guerre en Syrie par l'État islamique, et d'ailleurs pas simplement l'État islamique, puisque je crois savoir que tout le monde s'y est mis allègrement, sur le site de Palmyre en particulier, et peut-être même les troupes officielles de l'État syrien. Dans ce débat, avec cette espèce d'urgence que l'on sentait dans les milieux politiques d'Europe occidentale, de vouloir sauver ce patrimoine qui serait notre patrimoine commun, il y avait beaucoup de ce que vous dites justement de cette séparation, de cette différence d'appréciation de cet héritage-là sur ce territoire qui est le territoire du Proche-Orient par rapport à ce que nous en pensons ici, Jean-Baptiste Imbert. Oui, là, vous remuez un monde complexe. Je dirais, ma réflexion abrupte serait de dire que, et c'est vrai pour l'Antiquité que nous regardons à partir du présent, l'Antiquité est une femme qu'on n'a pas épousée. On voulait, mais on a du mal. Et pour l'Orient... Pour l'Orient, ils regardent l'Occident et disent c'est une belle femme mais qu'on n'épouse pas, c'est à la rigueur une concubine mais pas plus. Donc là vous avez, si vous voulez, c'est un rapport de force extrêmement... Mais un rapport de désir quand même, un désir inassouvi mais un désir qui fonctionne avec le désir évidemment. Mais il y a un rapport évidemment qui est très, très, très fracassé quoi, c'est... On ne voit pas très très bien où l'on va. Vous êtes plutôt dans la coupure d'une certaine façon, après cette longue expérience de l'archéologie au Proche-Orient, Jean-Baptiste Imbert. On entend nos autres participants à cette table ronde qui veulent faire du commun, qui disent il y a du commun à fabriquer. Serais plutôt sur le versant pessimiste. On avait cru comprendre. Le versant pessimiste, non, un instant. Si vous voulez, j'ai fouillé pas mal de sites archéologiques, assez différents les uns des autres. Et en général, je déteste revenir pour voir ce que c'est devenu. Parce que j'ai toujours l'impression que les enfants qu'on a fait naître, qu'on a élevés, sont mourants. Nous faisons face à une puissance de destruction quasi universelle. Oserait-on, dans le fond, condamner ceux qui ont détruit Palmyre, ceux qui ont pillé Dura Europa, etc. Hatra. Est-ce que nous, en France, on n'a jamais détruit? Il suffit de regarder les destructions de la Révolution française et ce qui a suivi pour se rendre compte qu'on a détruit autant et peut-être plus qu'eux. Donc on doit être très très prudent dans notre rapport au passé. D'ailleurs, dans ce livre, Jacques Bouineau, publié à l'occasion des deuxièmes états généraux de l'Antiquité, qui donne l'occasion de parler de cela dans la Fabrique de l'Histoire, il y a par exemple un grand professeur de latin qui s'appelle Pierre Laurence, qui a longtemps enseigné en particulier à Tours la Renaissance, mais aussi à la Sorbonne, qui dit tout compte fait, la destruction des langues latines et de leur enseignement et grec dans notre école n'est pas très éloignée de ce qui a été détruit dans les sites antiques du Proche-Orient, faisant le parallèle entre un enseignement d'un côté et une destruction physique de l'autre, disant tous ceux qui se récrient et qui disent oh là là quels barbares qui ne tiennent pas compte de cet héritage antique, eh bien sont en train de faire la même chose dans l'enseignement en France. C'est peut-être un peu exagéré quand même comme façon de voir, Jacques Bouineau. Non, je ne crois pas que ce soit exagéré. Je suis tout à fait du même avis que notre invité. Bien sûr, on casse tout le temps, mais je dirais que c'est le fait de vivre, en fait. Tout régime va avoir tendance à supprimer ce que le précédent a fait pour montrer qu'il fait du neuf, qu'il crée du neuf, et donc il va s'appuyer sur une mythologie reconstituée, totalement abstraite, et dans le même temps il va supprimer les traces visibles, tangibles. Et c'est pour ça que je crois que la démarche, là je suis d'accord avec Maria Teresa, la démarche scientifique est absolument essentielle. Vous parliez tout à l'heure, Victor Massé de Lépinay, du texte et du rapport au texte. Je crois qu'il faut se poser la question du geste d'écrire. Parce que les anciens n'écrivent pas comme nous, et tous les anciens n'écrivent pas de la même façon. Je dirais, de façon abrupte comme ça pour vous, là, mais comment écrit-on aujourd'hui ? On écrit de façon utilitaire et électronique. On a écrit pendant très longtemps, et ça nous venait sans doute effectivement de l'Antiquité classique, de manière réflexive et glossatrice. Et si on regarde la façon dont les Égyptiens écrivent, ils écrivent de façon sacrée. L'apprentissage, les hiéroglyphes, hein, d'abord le nom le dit de soi-même, c'est une démarche avant tout initiatique et sacrée. Donc je crois que regarder un texte, ça suppose de se poser la question, qu'a fait le scripteur ? Dans quel état d'esprit était-il ? Qu'est-ce qu'il a voulu rendre ? Et ce que moi je lis, est-ce que c'est ce que lui a écrit ? Et ce n'est pas du tout certain. Maria Teresa Schettino. Oui, et je pense qu'il faut évoquer en moi un problème. L'Antiquité a fait référence jusqu'au XXe siècle. Et là, l'Antiquité n'a plus d'autorité. Et c'est pour ça qu'il faut s'interroger dans un monde globalisé, dans un monde où l'information voyage très rapidement et où les pouvoirs sont ailleurs par rapport au pouvoir politique, quel est le rôle et la place que l'Antiquité, mais toutes les disciplines, je pense que cela concerne pas seulement l'Antiquité, toutes les disciplines doivent s'interroger sur leur place. Oui, on est d'accord, mais simplement quand on discute avec des professeurs d'université qui disent à leurs étudiants qui font du latin ou du grec ou de l'histoire antique, ça pourrait vous être utile parce qu'aux États-Unis ou en Angleterre, des membres de comités exécutifs de grandes entreprises comme la Barclays, les grandes banques, utilisent des diplômés d'Oxford en langue latine ou en langue grecque. On sait bien que c'est peut-être vrai dans certaines de ces universités, mais que ça ne l'est pas chez nous. Que jamais on va aller chercher un diplômé spécialiste de Virgile pour pouvoir être le bras droit d'un grand directeur de banque française. Ça n'est pas le cas, en l'occurrence, Maria Teresa. Non, non, il ne faut pas se leurrer sur cet usage de l'Antiquité comme travail intellectuel qui permettrait aux étudiants, par exemple, en sortant de l'université, en sortant de leurs études, de faire autre chose dans le monde du travail grâce à ce bagage humaniste, par exemple. Je suis tout à fait d'accord et j'éviterai toujours de parler de l'utilité parce que c'est un sujet très, très délicat. Mais en l'occurrence, ils ne parlent pas d'utilité, ceux qui disent ça. Ils disent que c'est une formation intellectuelle qui vous permettra d'eux. Oui, mais c'est la même chose. Et finalement, cela amène au risque que toutes les disciplines qui ne sont pas utiles pour la société contemporaine n'existent pas, ne sont pas, n'est pas nécessaire de les enseigner. Extrait du jeune Apollon de Benjamin Britten dans une interprétation dirigée par Kent Nagano. Nous vous écoutez La Fabrique de l'Histoire, dernier volet d'une série de La Fabrique de l'Histoire consacrée à l'Antiquité. Aujourd'hui, à l'occasion des deuxièmes états généraux de l'Antiquité qui se tiennent à Paris donc demain et après-demain, nous allons donc nous continuons à discuter de la place et de l'usage de cette Antiquité dans notre contemporain. Victor Massé-Lépiné. Oui, Jacques Bouineau, vous évoquiez l'écriture et la façon dont il faut lire l'écriture. Peut-être en considérant l'intention de celui qui a écrit à l'Antiquité. Dans une contribution du livre que vous allez publier, L'Avenir vient de loin, Claudia Moati, qui est professeure d'histoire romaine, cite Diogène qui fait inscrire sur un arc la citation que je vais vous lire. Il écrit l'essentiel de la pensée, de la philosophie épicurienne. Il écrit « Vu qu'il est juste de venir au secours de ceux qui vivront après nous, car eux aussi ils sont des nôtres, même s'ils ne sont pas encore nés, et vu que le propre d'un philanthrope est de venir en aide aux étrangers qui vivent chez nous, j'ai voulu, en utilisant ce portique, publier les remèdes du salut que nous avons mis nous-mêmes à l'épreuve. » Diogène considère donc les hommes du futur comme des étrangers, et à ce titre, il considère qu'il faut leur léguer, leur donner quelque chose. Antiquité et avenir, c'est cette question. L'avenir qui était pensé déjà à l'Antiquité, vous aujourd'hui, vous essayez d'articuler les deux. Qu'est-ce que vous pensez de cette citation, de ce rapport, puisqu'on parle beaucoup du rapport antiquité et présent, mais antiquité et avenir, ça ouvre encore une autre dimension. Oui, je crois que c'est la tentation de l'immortalité, en fait, chez Diogène. Et nous sommes confinés dans un espace et dans un temps totalement limité, et il faut absolument en sortir, et il faut faire du neuf avec du vieux. Je pense que ce qu'il faut réinventer, on parlait tout à l'heure de l'emploi, je ne vais pas reprendre le mot utilité, mais l'emploi qu'on peut faire de l'Antiquité dans le monde contemporain. Je pense que ce qui est important, c'est de recréer une humanité nouvelle. À chaque génération, il faut recréer une humanité nouvelle. Et si on veut... Alors peut-être là, est-ce que je suis moi-même débiteur des hommes de la Renaissance, et je le croirais très volontiers, mais je crois que nous avons à faire un effort de recréation de l'humanisme. Et un des apports de l'Antiquité, c'est ça. C'est-à-dire, c'est une vision philosophique, c'est une vision juridique. Moi, je suis juriste à la base, et le droit romain, c'est évidemment le fondement de notre droit contemporain pour les pays de droit civil. Donc, si vous voulez, nous avons évidemment cette tradition. Vous savez, en droit, il y a un mot qui est très fort, qui se dit en latin, qui est la traditio. La tradition, ça vient de tradere, transmettre, remettre. Et donc, on doit remettre quelque chose et on doit se remettre soi-même en cause en permanence aussi. Donc, je pense que, évidemment, ça ne sert à rien de savoir Virgile pour administrer une banque, je suis d'accord. Mais ça sert à tout de connaître la poésie de Virgile pour être un bon administrateur humaniste, oui, je crois. Et quand Frédéric Boyer, qui refait la traduction des Géorgiques, retraduit ainsi un passage de Virgile, « J'ai vu les vents livrer bataille, déraciner un champ entier, le pulvériser, et dans un tourbillon noir, l'orage emportait le chaume léger et la paille volante, et souvent du ciel venir d'immenses trombes d'eau et d'horribles orages, des pluies noires s'abattre, des nuages amassés au-dessus de nous, le ciel vertigineux s'effondrait, noyé dans une gigantesque pluie, les blés riants et les efforts des bœufs, les fossés se remplir, les fleuves profonds grossir avec fracas et la mer démontée bouillonner dans ses détroits. » Il dit, bah, tout compte fait, Virgile nous parle d'aujourd'hui. Il nous parle en l'occurrence de ce que nous vivons aujourd'hui en temps de réchauffement climatique, de protection de la planète et de la nécessité de continuer à la protéger, cette planète. Il y a quelque chose, Jean-Baptiste Imbert, dans ce que vous avez vécu en tant qu'archéologue spécialiste du Proche-Orient, c'est que fait-on de la surprise ? C'est-à-dire, que fait-on de la surprise qui étreint l'archéologue quand il trouve ce qu'il n'a pas cherché ? Vous disiez tout à l'heure, on va souvent chercher ce que l'on veut voir advenir quand on est historien ou archéologue, avec la vision que l'on porte du monde, pourrait-on dire, mais que fait-on quand on trouve quelque chose qui ne correspond pas à ce qu'on est allé rechercher ? D'abord, comme archéologue de terrain, je me plais à rappeler que sur le site même, on n'a aucune émotion. Il faut travailler, on travaille de nos mains. C'est un travail dur, éprouvant. Donc, même si on fait des découvertes soudain étrange, oui, c'est comme ça. Vous dites, la surprise, il n'y a pas beaucoup d'émotion. L'émotion vient après. Quand il faut le remettre en ligne. Lorsque doucement, lentement, on comprend que c'est quelque chose de nouveau, que c'est quelque chose qui peut changer un des aspects de la pensée qu'on avait sur tel ou tel sujet. Par exemple, une de mes plus belles trouvailles, c'est un magnifique brasero dans un palais omeyyade, mais le fronton est totalement érotique. Lorsque le préfet est venu voir immédiatement la chose qui avait été sue dans la nuit, il a dit ça peut pas être musulman, ça peut pas être omeyyade. Alors là, j'ai commencé à réfléchir et à dire bon, il ne faut pas le scandaliser. Je lui dis, vous avez probablement raison, ça doit être byzantin, donc chrétien. J'étais prêt à toutes les concessions. Mais ça a été pour moi le début d'une réflexion. Ce monde-là, qui était, c'est un monde contemporain, moderne, ne se connaît pas lui-même. Et pour moi, c'était une vraie surprise. Donc c'est une surprise, si vous voulez, en ricochet. Et de plus en plus, je me rends compte, par exemple pour Qumran, j'ai deux, trois idées qui sont venues et qui ont fait scandale. Le monde américain qui est plongé dans Qumran est totalement rétif, allergique. Est-ce que vous avez avancé comme analyse ? Oui. Alors, par exemple, sur quoi ? Non, attendez, oui, non, c'est du détail. Mais si vous voulez, je schématise en disant, alors ça y est, moi j'ai compris une chose qui peut refléter aussi la discussion qu'on avait. Il y a une pensée à la française. Et il y a une pensée à l'américaine, et c'est pas la même. Il y avait une Grèce à la française, disaient les Américains, à propos de l'école française qui était représentée par Pierre Vidal-Naquet, Jean-Pierre Vernant, et tous ceux et toutes celles qui travaillaient autour de ces deux figures. Ils étaient bien nombreux. Victor Massé-Dépinay. Ça nous ramène à ce qu'on disait au début sur l'identité. Et vous avez cette phrase, Jean-Baptiste Imbert, l'identité culturelle et religieuse, peut-être que cette phrase synthétise ce que vous venez de dire, l'identité culturelle et religieuse est presque toujours infidèle à l'histoire. C'est de cet ordre-là. C'est une infidélité que vous avez constatée en tant qu'archéologue. Est-ce que c'est une fidélité qu'il faut chercher ? Il faut chercher un rapport fidèle à l'Antiquité ? C'est ça l'enjeu de ces états généraux de l'Antiquité ? Oui, non, moi, j'ai toujours l'impression que le fossé qui nous sépare de l'Antiquité. On croit le connaître, on croit le posséder, on croit pouvoir l'utiliser. C'est justement dans cette espèce de fossé qu'on a, dans cette espèce d'espace vide, que tout se passe. Et c'est là peut-être dans cet espace vide aussi qu'il y a la surprise. On trouve ce qu'on n'attendait pas. Et ce qu'on croit prendre, appréhender, nous échappe. Il y a là, il faut reconnaître un devoir de souplesse. De notre part. Oui, Maria-Thérèse Schettino. Oui, exactement. L'Antiquité nous a laissé beaucoup de traces, mais par rapport à la période longue, ce sont en fait des morceaux d'une mosaïque, et il faut vraiment être prêt à toute surprise pour reconstituer un petit détail de cette mosaïque, et c'est les désirs de la connaissance. Vous avez utilisé ces mots, et les désirs de la connaissance qui peut être les scandales de la connaissance aussi. Jacques Bouineau. Oui, je voudrais revenir sur le mot l'Antiquité. C'est en réalité un mot valise, hein, parce que il n'y a pas une Antiquité, il y a des Antiquités. Quand on dit on cherche dans l'Antiquité, oui d'accord, mais dans laquelle? Bah oui, dans sûr. Laquelle, parce que lorsque j'ai annoncé la semaine sur internet, effectivement, des grands spécialistes, par exemple des Perses achéménides, m'ont dit mais vous allez encore évidemment parler des Grecs et des Romains et pas des Perses achéménides. Ils avaient raison, en l'occurrence. Et c'est ce dont nous avons parlé quasiment toute cette semaine. D'une part, il donc y a ça. Donc nous ferons une semaine sur les Perses achéménides d'un de ces jours. Voilà. Soit averti. Il y a tout ce kaléidoscope, toute cette variété de l'Antiquité. Et puis, il y a aussi le fait que cette Antiquité, elle va être vécu par chacun d'entre nous en fonction de ce qu'il cherche, parce que vous parliez de la surprise tout à l'heure. Mais je suis certain que beaucoup d'érudits qui sont de très bonne foi vont vers l'Antiquité sans se poser de questions véritablement, parce qu'ils vont trouver quelque chose, et de fait, puisqu'ils vont le trouver, ils le trouvent. Et ce qui est fondamental, c'est le pas de côté, justement. C'est ça. Quand je commence mon cours de L1, je dis aux étudiants, donc en histoire des institutions, je leur dis, vous savez, on part en histoire comme on part en voyage. Vous avez deux manières de partir en voyage. Soit vous achetez un voyage pas cher dans une grande surface et vous pouvez vous acheter deux t-shirts pour le prix d'un parce que vous avez fait des économies et vous ne vous posez aucune question, vous allez rencontrer des nanas au bord de la piscine et ce sera très bien. Soit vous franchissez la frontière et vous vous dites, je ne sais pas ce qu'il y a et je vais essayer de le comprendre. Et moi, je pense qu'il faut partir, non seulement pour l'Antiquité, mais pour toute l'histoire, évidemment, avec cette incertitude-là. C'est ça qui fait la richesse du chercheur, c'est de se dire, je suis très peu de choses. Alors, j'ai une compétence scientifique, mais après tout le reste. Comment on fait passer cela, pas simplement auprès des étudiants et des étudiantes que vous pouvez avoir, Maria-Thérèse Schettino, mais auprès d'un public beaucoup plus large, parce que là, nous faisons une émission sur France Culture, mais c'est vrai que, tout compte fait, on se dit parfois quel désert ailleurs, dans d'autres espaces où on pourrait parler plus régulièrement et plus fréquemment de cette antiquité, de façon différente, comme vous le faites, Maria-Thérèse Schettino. Je vous réponds, si c'est possible, avec une double réponse. La première, dans cette édition, nous avons mis l'accent, en fait, il y a une dimension politique accrue. Et c'est exactement pour réfléchir sur la place dans notre société de l'antiquité, des antiquités, je suis tout à fait d'accord. Et j'aimerais bien souligner, nous nous adressons pas seulement aux antiquisants, mais à ceux qui ne le sont pas, à ceux qui sont même contre l'importance de l'antiquité, pour établir un dialogue, un débat ouvert. Et ce qui concerne l'aspect, en fait, parmi les vidéos, il y a des vidéos qui soulignent l'engagement d'enseignants-chercheurs auprès de secteurs de la société qui ne sont pas touchés par les études classiques, par les études sur l'Antiquité, et par exemple, ce qui fait l'association des idées ou d'autres associations, et ou même bon l'association Bonne Pioche qui s'occupe, qui seront, dont les membres se rendent dans les hôpitaux exactement pour parler d'archéologie. Donc il y a aussi des mouvements, ce que je veux dire, qui ouvrent les chemins. Et passez-moi donc la totalité de cette organisation donc des États généraux de l'Antiquité qui se tiennent donc à partir de demain avec pour commencer à 17h une allocution des présidents à la fois des présidents d'Antiquité à venir que vous êtes Jacques Bouineau et puis aussi des secrétaires généraux et des États généraux de l'Antiquité mais aussi des personnalités. Il y aura là, vous êtes sûr de leur venue les ministres? Madame la ministre Vidal est remplacée par le recteur Pécou. Voilà. Pécou et puis Jean-Michel Blanquer. Alors Jean-Michel Blanquer a fait une vidéo que l'on a regardée et donc il s'adressera physiquement, enfin par la vidéo interposée, au présent dans l'amphi Richelieu. Et puis donc c'est donc à la Sorbonne demain. C'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. Mais si vous voulez vous inscrire, il faut absolument aller sur le site des États généraux. C'est www.ega2018 et il faut surtout donner son nom. C'est tout. Venir avec une pièce d'identité parce que le plan Vigipirate est draconien et il faut absolument que vous vous inscriviez. Si vous n'êtes pas inscrit, vous n'entrerez pas. Donc parmi tous les participants, Johan Chapoutot, Patrice Brun, Myriam Revaud-Dallonne, Pierre Ducré, Emmanuel Chevreau, mais également Maurice Sartre qui animera la table ronde où interviendra Jean-Baptiste Imbert qui était notre invité ce matin, Jean-Luc Fournet, Leïla Sebaï ou encore Frédéric Duira et puis encore la journée de samedi, Jean Lebrun animera avec Michael Reiner, Sylvie Pitia, Christine Guimonet, Pascal Charvet, Emmanuel Kerr, une table ronde sur l'humanisme à construire, en tout cas un très large et très grand programme dont nous voulions nous faire l'écho aujourd'hui dans la Fabrique de l'Histoire. Merci à vous Jean-Baptiste Imbert, malgré votre pessimisme, vous nous avez quand même beaucoup réchauffé le cœur. Merci à vous Maria-Thérèse Schettino et merci à vous Jacques Bouineau d'être venu pour cette table ronde conclusive de notre série consacrée à l'Antiquité dans la Fabrique de l'Histoire. Merci à vous. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Aurélie Marseille, Francesca Fossati, Anthony Thomasson nous a accompagnés aujourd'hui à la technique et Marie-Laure Ciboulet à la réalisation. Vous pouvez bien entendu écouter ou réécouter cette émission. Vous pouvez également discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou nous suivre sur le réseau Twitter, l'adresse Twitter de la Fabrique, Fabrique FC, Fabrique FC. Demain, nous parlerons de 40 années d'histoire de l'immigration en France avec deux invités qui sont tout à fait consacrés à ces questions puisqu'ils ont beaucoup travaillé sur ces questions, eh bien, nous aurons à la fois Gérard Noiriel et Benjamin Stora.